traverse à peine. La nuit porte en elle un fléau qui s'ouvre et se déchaîne. La nuit n'est qu'un soupir parmi nos cicatrices. On porte nos désirs dans de sombres coulisses. Et j'attends cette nuit. La peau, l'insomnie, construit des cathédrales. Des colères et des cris, sous ma peau l'animal. Sous ma peau fait son nid. Sous ma peau fait son nid.